meilleur de l'émission autour de vous avec Laura sur Radio Gymnoso. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Didier Cribbs. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Donc moi, mon nom c'est Didier Cribbs, je suis peintre autodidacte. Mon métier c'est ingénieur en construction mécanique, c'est un peu de l'art aussi, hein, je dirais. Et voilà, je suis peintre. C'est quoi être artiste pour vous? Artiste, c'est exprimer les choses. Par exemple, moi, je suis pas trop fort en écriture, alors bon, je préfère exprimer tout ce que je pense et toutes mes envies en art, c'est-à-dire la peinture et parfois la sculpture aussi. Et depuis quand est-ce que vous êtes artiste professionnel? Bon, je suis pas vraiment professionnel, je suis semi-professionnel, mais ça doit faire à peu près 25 ans, je dirais. 25 ans, oui. Je me suis remis au pinceau il y a 25 ans alors que je dessinais déjà enfant. Et donc après les études, j'avais plus le temps de trop peindre ou dessiner. Donc ça m'a pris bien plus tard, quoi. Vous dessinez quoi? Quand j'étais plus jeune, bon, je dessinais tout ce que les enfants dessinent, quoi. On faisait de la gouache, on faisait de l'aquarelle, on faisait un peu de peinture, des dessins de bande dessinée, etc., quoi. Les caricatures aussi. J'ai délaissé tout ça pour les études parce que bon, après on n'avait plus trop le temps, quoi. Puis je faisais de la musique également. Et quel genre de musique? Ah ben, je jouais de la trompette au sein d'une harmonie municipale locale, à Styrin-Vandel, là d'où je viens, en Moselle, dans le 57. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession d'artiste? Ben, c'est surtout que c'est difficile à dire, hein. ça crée beaucoup d'émotions en moi, et puis ça me fait beaucoup de bien, et puis c'est une espèce de thérapie de bien, je dirais. J'ai pas vraiment les termes exacts, quoi. C'est plutôt j'ai du mal à m'exprimer avec les mots, c'est pour ça que je les peins, quoi, les pensées. Est-ce qu'il y a un ou des artistes qui vous ont donné envie de le devenir à votre tour? Au début, je faisais de l'aérographe. Je sais pas si vous connaissez cette technique, c'est une technique de pulvérisation de peinture. On voit ça sur les réservoirs de moto ou sur les voitures. Je faisais ça au départ. Ensuite, j'ai déménagé. Et puis moi, j'adorais le peintre Klimt. Donc, je me suis dit, tiens, il me faudrait un tableau de Klimt. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire une copie d'un Klimt. Voilà, j'ai peint avec ma mère parce qu'elle, elle est peintre aussi d'origine, hein, peintre amatrice. Et donc, nous avons fait un tableau ensemble. Et puis, ça m'a donné l'envie de laisser tomber l'aérographe et de me mettre à la peinture à l'huile, puis plus tard à l'acrylique. Et puis, ça a démarré comme ça. Et puis, j'ai fait un Klimt, deux Klimt. Ensuite, j'ai essayé d'imiter des Klimt. Puis ensuite, tout le monde me dit, tiens, tu peins comme Klimt. Alors, j'ai dit, faut arrêter Klimt maintenant. Il faut faire du Didier Cribbs. Et puis je me suis mis à peindre, j'ai pris quelques cours de dessin en Allemagne pendant un an, de peinture également, et puis au fil des années, j'ai développé mon propre style, que vous pourrez donc voir à la Bresse encore jusqu'à demain. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la peinture? Bah déjà, pour moi, c'est les couleurs, hein. Puis c'est la technique également. Puis pour moi, je me suis spécialisé dans les figures, puis les personnages. Après, ça fait du bien de peindre. C'est surtout ça. Puis j'ai l'impression de marquer le temps quand j'ai fini un tableau. Le temps, il n'est pas passé inutilement pour moi. C'est comme un exutoire, finalement. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence entre la peinture acrylique et à l'huile? Ah ben, la peinture acrylique, c'est une autre matière. C'est déjà à base d'eau. Et l'huile, c'est à base d'huile. Mais les pigments, ce sont les mêmes. Donc l'acrylique sèche beaucoup plus vite que l'huile. On peut facilement repasser sur le trait, alors que l'huile, il faut attendre une petite journée pour pouvoir repasser sur un trait, pour effacer une erreur, par exemple. Mais bon, après, on peut faire avec l'acrylique, on peut obtenir d'autres effets qu'on ne peut pas avoir avec l'huile, inversement aussi. Mais bon, on différencie pas trop mes tableaux entre l'acrylique et l'huile. Beaucoup me posent la question si c'est de l'huile, parce qu'il faut être beaucoup plus rapide à l'acrylique. Par exemple, quand on fait des modelés de visage, des carnations, etc., pour obtenir d'autres effets. Et ça, c'est tout un cours après. C'est pas expliqué en 5 minutes. Il faut faire une démonstration pour ça. C'est beaucoup plus simple. Peu d'artistes utilisent la gouache. Pourquoi, à votre avis? La gouache? Oui. Bah, je pense que la gouache, c'est quelque chose qui se redilue avec de l'eau, hein. Quand on repasse avec de l'eau sur une peinture à la gouache, ben ça se dilue, quoi. Ça tient pas dans le temps. C'est comme l'acrylique. L'acrylique, c'est sur le papier, quoi. C'est un peu plus éphémère, je dirais, sur le papier. Bon, je connais personne qui peint avec la gouache, d'ailleurs, hein. Quand on était petit, on peignait à la gouache à l'école. Je sais pas à quoi ça sert, la gouache, en vrai. J'en utilise pas. Et qu'est-ce qui vous inspire, vous, quand vous peignez? Ce qui m'inspire, c'est surtout ce que je vois dans la rue. Par exemple, j'ai envie de faire de personnages. C'est sur le moment, j'ai la tête, elle est toujours pleine d'idées. Mon sujet de prédilection, c'est surtout le portrait de femme et les personnages que j'aime mettre en scène. Puis j'aime bien y associer des animaux, et puis et j'essaie de m'efforcer de représenter le sujet avec la meilleure exactitude possible. Bon, une bonne base de dessin est quand même primordiale pour cela. Est-ce que vous aimez travailler en musique ou en silence? Alors moi, je préfère travailler en silence. J'ai déjà essayé avec de la musique et à un moment donné, ça commence à me stresser et puis il faut que je sois dans le calme. J'aime pas qu'on me regarde par-dessus mon épaule quand je peins non plus. Je perds mes moyens après. Ah, c'est sûr, ça doit pas être évident de se sentir un peu observé comme ça, oh, peut-être non, même jugé. Pas du tout, hein. J'aime pas du tout. Hein. C'est comme les interviews, j'aime pas trop non plus, mais bon, faut y passer. Hein. Quel est le plus grand format sur lequel vous avez déjà peint? Alors, le plus grand format, à l'époque, c'était une grande camionnette. J'avais fait une publicité pour un vendeur de moquettes, mais ça, c'était quoi, à l'aérographe. Et ensuite, en peinture, le plus grand format, je dirais, c'est 1m40 sur 1m40. C'était un visage géant qui faisait la taille du tableau, que j'ai pas exposé d'ailleurs. Pourquoi, du coup? Bah, parce que déjà, il est trop grand pour le transport. C'est pas facile à transporter. Et puis bon, j'ai quand même mis une trentaine de tableaux à la Bresse. Et puis je pensais pas avoir autant de place parce que c'est vraiment un lieu merveilleux pour nous les artistes, je dirais. J'ai jamais vu ça ailleurs, un endroit adapté à ce point. Et quel est le plus petit format sur lequel vous avez déjà peint? Oh là, le plus petit format, timbre poste, bon, je dirais allez, 5 sur 5 centimètres peut-être. Très petit, donc ça doit pas être évident de faire ça quand c'est tout petit comme ça. Oh si, c'est comme un grand. C'est le même geste, sauf c'est plus grand. Il faut prendre des plus petits pinceaux, c'est tout. Il faut changer le format des pinceaux. C'est ce que je dis toujours à certains élèves, parce que parfois, il m'arrive de donner des cours. Quand tu fais un grand portrait, tu prends un grand pinceau. Le geste reste toujours le même. Bon, après, il y a l'éloignement. Hein. Il faut travailler dans une grande pièce quand on fait un grand format, pour avoir du recul. Vous êtes également sculpteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oh là, je suis pas vraiment un sculpteur. Il m'arrive parfois de faire des sculptures. Là, récemment, j'ai fait des sculptures un peu spéciales. Il s'agissait de pieuvres. J'ai complètement modelé. Et puis, ça, il faut vraiment les voir pour en parler parce que c'est difficile à décrire comme ça. Mais c'est pas des sculptures avec le maillet et le burin. C'est plutôt du modelage et puis la fabrication. Là, il y a mon métier d'ingénieur qui ressort parce que je travaille avec des logiciels 3D et puis je fais des impressions 3D après. Et ça, je peux vous envoyer des photos si vous voulez. Mais ça, je n'expose pas à la Bresse en ce moment. Bah, les sculptures-là m'ont valu un prix là récemment à Vittel et à Paris au Salon d'automne en septembre dernier. Mes premières sculptures en plus. Voilà, c'était des pieuvres. Des pieuvres avec des casques en forme de fusée, un peu Jules Vernien. Oui, je l'ai vu sur la page Facebook d'Olivier Clodon, qui l'a partagé. Voilà, c'était ça. Bon, c'est un peu spécial, quoi, mais bon, moi, j'aime bien faire des choses spéciales, un peu hors du commun. Il y a une exposition de quelques-unes de vos œuvres qui se déroule à la Maison de la Bresse depuis le 8 juillet jusqu'au 2 août. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah bah là, c'est Olivier Clodon qui m'a téléphoné un jour. Il me dit, est-ce que tu as envie d'exposer avec moi à la Bresse en juin? J'ai immédiatement dit oui. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis j'ai ramené les tableaux. C'est lui même qui me les a accrochés parce qu'il y avait une autre expo en cours. Et puis, le problème, c'est que je peux pas y être à cette expo parce que j'habite un peu trop loin de la Bresse, à peu près 250 km. Donc j'ai que pu y aller pour le vernissage et donc je suis pas trop ce qui se passe à cette expo actuellement. J'ai pas de retour immédiat. Mais je sais qu'au lors du vernissage, elle a beaucoup plu. Ensuite, ce qui est dommage, je vais déjà récupérer les tableaux demain. J'aurais bien aimé la prolonger encore un petit peu. C'est un beau lieu et j'ai rarement l'occasion d'exposer autant de tableaux dans une expo. Hein. J'ai à peu près une trentaine de tableaux là-bas. C'est surtout des personnages, des femmes, des portraits et puis des personnages en action. Vous pouvez voir une série de westerns, une série de joueurs de cartes, par exemple. Et puis toujours avec ma technique. Moi, je fais des tableaux très vernis pour ceux qui ont déjà vu l'expo. Comme dit, c'est difficile à décrire là aussi sans voir le tableau en plus. Je vous dis encore un truc. Moi, je suis bilingue. Donc, moi, je parle deux langues. Je parle l'allemand et le français là, tous les jours. Alors, nous, on parle encore le dialecte chez nous. Là. En plus, je travaille en Allemagne. C'est pour ça que parfois je pense en allemand et puis je dois parler le français et puis inversement. Alors c'est toujours difficile pour moi de trouver le mot adéquat qui va bien quand vous me posez les questions. Et puis quand vous parlez, il y a un petit mélange des deux accents, je trouve. Ouais. Je mélange les deux accents. C'est pour ça que c'est difficile pour moi. J'ai deux langues, quoi. Si m'avais interviewé en allemand, je crois que ça aurait été pareil, quoi. Ah, ça aurait été compliqué pour moi, par contre, parce que j'ai étudié l'allemand à l'école, mais j'ai jamais été très, très forte. Oui, mais bon, ce quand on n'est pas en région frontalière, on ne pratique pas. Alors, moi, j'habite à 6 km de Sarrebruck, centre-ville, et moi, j'y vais souvent, quoi. C'est la plus grande ville à côté de chez moi. Sarrebruck, c'est la capitale de la Sarre, donc c'est une très grande ville, quoi. Puis, je suis qu'à 6 km. Puis, je travaille en Allemagne également, donc je suis frontalier. On parlait le patois quand on était jeune, avec les grands-parents, avec les parents un peu moins, puis entre nous aussi, parfois. Puis, on mélange les deux, on parle français, allemand, mélangé. C'est rigolo. Faut le vivre. Mais nous, on se rend pas compte parce qu'on est entre nous, quoi. Hein. C'est juste pour faire une petite parenthèse. Le thème de l'expo à la Maison de la Bresse, c'est l'art animalier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Ben, là, je suis un peu hors sujet pour les animaux parce que j'en ai pas ramené beaucoup des animaux. Parce que bon, moi, c'était pas prévu que je fasse des animaux. J'en ai pas beaucoup. Mais parfois, j'intègre des petits animaux dans mes tableaux. Surtout des petits oiseaux dans certains tableaux. Par exemple, j'en ai certains sur le thème de la musique. Et puis, j'ai toujours mis un petit animal dans le fond du tableau. Mais il m'arrive de faire des animaux aussi. Je les mets toujours avec un personnage. Je suis hors sujet pour l'expo, là. Même sur l'affiche, il y a un taureau, mais ce taureau-là, je ne l'ai plus, ce tableau-là. Est-ce que vous peignez ou sculptez à la demande? Sculpter, non, mais peindre, oui. Là, j'ai souvent des petites commandes, justement, des animaux, voilà, des chiens. On aime toujours avoir un souvenir de son chien. Alors, j'ai beaucoup de commandes de chiens ou chats. Des portraits également. Hein. Vous disiez que vous avez reçu un prix pour une de vos œuvres. Comment est-ce que vous êtes senti à ce moment-là? Oh, bon, on se sent hyper bien, hein, je dirais. Ça fait du bien. C'est une belle reconnaissance, je dirais. Surtout que celle-là, à Vittel, je n'y attendais pas du tout, parce que l'expo était vraiment très haut niveau. Hein. C'était comme Paris l'an dernier. J'étais halluciné hein, quand j'ai vu ces expos. Je n'aurais jamais pensé avoir un prix dans cette expo-là. Quoi. Puis j'ai été remarqué quand même. Quand vous peignez à la demande, est-ce que vous préférez faire quelque chose qui vous plaît à vous, mais pas forcément à la personne, ou faire quelque chose qui plaît à la personne, mais pas forcément à vous? Ouais, ça, c'est difficile. Hein. Il faut que ça me plaise, moi. Et il faut que ça plaise à la personne, mais ça c'est difficile de marier les deux, surtout quand c'est un portrait, hein, parce que les clients, eux, ils scrutent chaque millimètre carré, hein, puis c'est pas facile à faire. Surtout quand certaines personnes me demandent, ah ben tu fais mon portrait, mais tu me rajeunis de 20 ans. Tu oula. Dans l'autre sens, ça va beaucoup mieux, par contre. Vieillir des personnes, hein. Mais rajeunir, c'est pas évident parce qu'après, surtout quand on n'a pas de photo à la base, quoi. Hein, bon, on arrive à trouver un compromis ensuite. C'est plus facile d'ajouter des rides que d'en enlever. Bah oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les rides, hein. Il y a tout, c'est tout le visage qui change, hein, la forme. Est-ce que vous avez d'autres expositions de prévues après celle de la Maison de la Bresse? Là, je vais encore exposer mes pieuvres à Mézières-les-Metz, c'est un salon qui s'appelle Minerva. Voilà, je vais y mettre mes pieuvres. Je vais encore un peu les exhiber, celles-là. Faut qu'elles fassent encore quelques expos. Et vous avez mis combien de temps pour les faire, les pieuvres? Déjà, dans la tête, quelques semaines, on va dire, hein, parce qu'il faut réfléchir comment aborder le sujet. Ça part d'un croquis, hein, tout bête, hein, sur un petit post-it, et puis ensuite ça se développe, et ensuite il faut à peu près 4 mois pour la réalisation. 4-5 mois. Sachant que je travaille pas à temps plein sur la pieuvre, hein. J'ai encore un autre métier, quoi. Enfin, mon métier. Est-ce que vous avez de futurs projets en tant qu'artiste? Je veux peut-être encore me faire un peu de sculpture. Non, j'ai pas, mais moi, j'ose pas aborder la sculpture parce que ça met trop de temps, ça met tellement de temps, et puis on fait plus que ça après. Puis je veux d'abord me faire d'autres petits tableaux encore avant. Mais des futurs projets, j'en ai pas vraiment. Vous vivez au jour le jour, donc? Oui, au jour le jour, la peinture, oui. Envie qui viennent subitement et puis on a envie de peindre. Parfois on n'a pas la toile, parfois il manque toujours un ustensile. Et puis c'est pour ça que je suis toujours bien équipé pour pouvoir pallier à cet effet-là. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, j'ai un site, c'est www.didiercrips.info. Ça c'est mon site. Et ensuite sur Facebook aussi. C'est ouvert au public, hein, il n'y a pas de restrictions, quoi. Hein. Tout le monde peut aller le consulter sans être mon ami. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite en tant qu'artiste? La bonne santé, hein, pour pouvoir faire encore beaucoup de choses. Je fais ça parce que bon, j'ai un peu plus de 60 ans maintenant, et puis j'aimerais encore vivre assez longtemps pour faire beaucoup de créations, quoi. Avoir aussi de l'imagination aussi pour la suite? L'imagination, j'ai pas peur pour ça, hein, parce que là, j'en ai beaucoup, j'en ai à revendre. Hein. Comme dit, on n'a pas le temps de tout réaliser, on aimerait bien. Cette interview est maintenant terminée. Didier, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que de nombreux visiteurs iront voir vos œuvres qui sont exposées à la Maison de la Bresse jusqu'au 2 août. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura, bye tout le monde.